voir ces cataclysmes sur terre, plus personne se comprend. Le monde est devenu dangereux, plus tu grandis, moins t'es conscient. Tu me dis blanc, moi je te dis noir, tiens la couleur de mon cerveau entre mes poumons et mes pensées. Même toi t'aimerais ma peau, et tu me dis fuck, je te dirai rien, car je suis là en guise d'invité. Je suis pas de ces mongols qui se disent être vraiment super cultivés, éduqués dans l'ancien monde. Je ne sais pas qui remercier. Si tu es triste, y'a plein de moyens, plus y penser, d'y remédier. Moi je t'écris des moitiés de livres, trouve plus de motivation. Pourtant je sais qu'y a pas de problème, j'ai beaucoup d'inspiration. J'aspire à fond et je me dis, dans la vie rien n'est durable. Plus tu écoutes, plus tes yeux brillent, un bon moment insupportable. Quelle honte devrais-je avoir que de balance et du lourd dingue. Face à toi, face au monde, face au ciel et face aux jungles, face à tout ce que j'estime, tous ces gens qui m'écoutent. Un jour le talent m'a dit que la musique ombra mes doutes. Ce soir c'est un bonheur, dans toute cette tristesse, c'est de l'amour dans le cœur. Et la haine qui nous stresse reste piste, enflamme pas. Qu'on ait grandi ensemble ou pas, quand je rime le temps passe et j'en oublie d'être là. Ce soir c'est un bonheur, dans toute cette tristesse, c'est de l'amour dans le cœur. Et la haine qui nous stresse reste piste, enflamme pas. Qu'on ait grandi ensemble ou pas, quand je rime le temps passe et j'en oublie d'être là. Ce soir je monte sur le ring, j'ai mes poings, ma tête et des textes. On n'est pas si téméraire face à tous ces prétextes. Je t'offre du rap en musique, ne me dis pas que tu détestes. Vas-y je t'amène dans ma matrice, aller-retour en mode échec. Ma cliché qui est de ma vie, moi je n'attaque avec les fous. Vive la vie en diagonale, c'est ce que je pense et puis c'est tout. Je rentre dans le game comme un sauvage, mon flow vous brutalise. À qui la terre à l'heure qu'il est, si j'y réponds je me pénalise. C'est difficile de discuter quand y'a rien de concret sur la table. Y'a des arguments qui foirent, les tiens my men sont lamentables. Parler en faisant de grands gestes, personnellement tu m'effraies pas. Je me bats que sur les rings et contre moi toi n'essaies pas. Un one shot tête à tête, t'as pas la tête d'un mec brave. Un son de ouf, je vois mes frères qui écoutent et qui en bavent. J'ai plus que des mots mais seulement si tu veux plus des faits. Je ne cracherai pas sur ce monde même s'il y a de gros déchets. Ce soir c'est un bonheur, dans toute cette tristesse, c'est de l'amour dans le cœur. Et la haine qui nous stresse reste piste, enflamme pas. Qu'on ait grandi ensemble ou pas, quand je rime le temps passe et j'en oublie d'être là. Ce soir c'est un bonheur, dans toute cette tristesse, c'est de l'amour dans le cœur. Et la haine qui nous stresse reste piste, enflamme pas. Qu'on ait grandi ensemble ou pas, quand je rime le temps passe et j'en oublie d'être là. La lune m'inspire, pourtant je te donnerai pas du love. Ni des love, c'est pas par choix. Vas-y fais voir comment tu voles. À base de weed, de shit, ou à base de sport et de fruits. Tu as le choix entre l'illicite ou l'aller simple au paradis. Je compatis sur ce morceau, moi et mon art on rap gratis. Jamais le même, deux jours de suite. C'est pas pour ça qu'on est factice, les gens se trahissent et se perdent. Moi je comprends pas leur raisonnement, je resterai dans le positif jusqu'au jour de mon jugement. Si les jugements c'est que je suis à tous les coups innocent. La vie sans foi ça fait bizarre, la mienne ignore le sens d'un monde sans être supérieur. Je m'en sentirai qu'inférieur si ce son provoque fureur. Dites-vous que là je suis pas d'humeur. La vie c'est simple, tu vis, tu meurs. Tu te bats et tu galères, tu restes humble. La vie t'écœure, chaque jour trop de choses que tu tolères. T'es en colère, je te comprends, car dans le fond on vit pareil. Et moi c'est en rappant que mon cerveau se met en veille. Ce soir c'est un bonheur, dans toute cette tristesse, c'est de l'amour dans le cœur. Et la haine qui nous stresse reste piste, enflamme pas. Qu'on ait grandi ensemble ou pas, quand je rime le temps passe et j'en oublie d'être là. Ce soir c'est un bonheur, dans toute cette tristesse, c'est de l'amour dans le cœur. Et la haine qui nous stresse reste piste, enflamme pas. Qu'on ait grandi ensemble ou pas, quand je rime le temps passe et j'en oublie d'être là.